Allô, Terre, appel Fusée Lunaire. Explorer de nouveaux mondes étranges. Fusée Lunaire, répondez, répondez. Découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Sur France Inter, comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Alors nous sommes allés voir. Daniel Fievé. Lorsque l'on évoque l'histoire de l'astronomie, des noms illustres nous viennent en tête. Aristote, Ptolémée, plus proche de nous, Copernic, Galilée ou encore Kepler. Certains penseront peut-être aussi à Al-Khwarizmi, astronome perse dont le nom est à l'origine du mot algorithme. Mais qui est capable de citer un nom d'astronome chinois? L'observation du ciel était pourtant la science centrale dans l'Empire du Milieu. Elle a donné lieu à la constitution des premiers observatoires dans le monde. En scrutant la voûte céleste, les Chinois ont fait de nombreuses et importantes découvertes, telles les taches solaires, la trajectoire des comètes ou encore l'explosion d'étoiles en fin de vie, bien avant les premières observations européennes. Les astronomes chinois ont apporté une contribution majeure à la connaissance moderne des phénomènes cosmiques, une contribution souvent ignorée en Europe. Et si nous prenions le temps de réparer cet oubli? Le temps d'un bivouac. Vers l'infini et au-delà. Sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac cosmique du jeudi, avec pour guide aujourd'hui Jean-Marc Bonnet-Bideau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Vos recherches sur les supernovas, ces étoiles en fin de vie, vous ont conduit à vous passionner pour les observations réalisées par les Chinois il y a plusieurs millénaires. Vous avez publié un très bel ouvrage intitulé 4000 ans d'astronomie chinoise aux éditions Belin, et vous allez nous emmener dans un grand voyage à travers l'espace et le temps à la découverte de cette astronomie de l'Empire du Milieu dont vous êtes devenu l'un des rares spécialistes en France. Et puis à 17h, nous prendrons la mer avec la photographe Anne-Lise Le Pellec et la pianiste chanteuse Marie Kuismans-Bertou qui voguent de port en port et transforment le pont de leur bateau en scène de concert. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux, Mathieu Aoued, Océane Théard et Juliette Soudarin. La première année du règne Xiaoyu, le troisième mois lunaire, le chef du bureau d'astronomie a dit « L'étoile invitée a disparu », ce qui est un présage du départ de l'autre. Plus tôt, durant le cinquième mois de la première année du règne Zir, cette étoile était apparue à l'est, gardant Tianguan. Elle était visible le jour comme Vénus. Elle pointait ses rayons dans toutes les directions et sa couleur était rouge pâle. Elle est restée visible 23 jours. Un écrit chinois vieux de plus de 1000 ans, une étoile qui apparaît puis qui disparaît quelques mois plus tard. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce ciel nocturne entre 1054 et 1056? Les premiers astronomes chinois révèlent l'apparition d'un objet céleste qu'ils ne connaissaient pas. Que voit-il exactement, Jean-Marc Bonnet-Bideau? Mais il s'est passé un phénomène extraordinaire au niveau de l'astrophysique que nous avons compris qu'il y a seulement 50 ans. C'est pour vous montrer la complexité du phénomène qui, après coup, en fait, est finalement compréhensible. C'est l'explosion d'une étoile. Une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil. Son destin n'est pas de finir comme le Soleil tranquillement, mais d'exploser. Et cette explosion se marque par un éclair lumineux. Un éclair lumineux à l'échelle d'une vie d'étoile, c'est quand même quelques jours. Hein. Ouais. Et donc, ce qu'ont vu par leurs yeux vus, les astronomes chinois, c'est que cette étoile est apparue, puisqu'avant elle était trop faible pour être perçue. Son explosion l'a rendue visible. Elle est restée, quand on dit 23 jours, c'est visible de plein jour. C'est-à-dire, elle était suffisamment forte pour l'avoir de plein jour. Et ensuite, elle est restée visible dans le ciel pendant 2 ans. Donc, de 1054 à 1056, il y avait une nouvelle étoile dans le ciel. Ouais. Encore fallait-il bien connaître le ciel pour s'apercevoir que cette étoile était apparue? Non seulement bien le connaître pour bien localiser, mais aussi le surveiller en permanence, ce qui nous explique bien qu'effectivement il faut des astronomes extrêmement performants, parce que il n'est pas très très facile de s'apercevoir qu'une étoile apparaît en plus de toutes les autres. Alors cette apparition d'étoile, cette étoile qui explose en un flash stellaire, c'est ce qu'on appelle une supernova? Bien sûr, une supernova venant du fait que nova veut dire nouvelle, et supernova parce qu'elle est tellement brillante qu'elle surpasse toutes les étoiles pendant un temps. Ouais. Et vous, en tant qu'astrophysicien, vous travaillez travailler justement sur ces morts d'étoiles particulièrement spectaculaires que sont les supernovas. Et précisément, c'est pour ça qu'on a choisi cette supernova de 1054 qui a été aperçue dans le ciel entre 1054 et 1056. C'est sur cette supernova-là que vous travaillez, et c'est pour ça que vous êtes intéressé à l'astronomie chinoise. Bien sûr, parce qu'en fait, le jeu actuel de la science moderne, c'est qu'après l'explosion, il reste quand même quelque chose de l'étoile. Il reste ce qu'on appelle un pulsar, qu'un objet extrêmement dense et extrêmement particulier dans le bestiaire de l'astronomie. Et nous nous amusons, si je puis dire, à rechercher par des moyens modernes, avec des satellites, ce reste d'étoile qui, cette fois-ci, n'émet pas de la lumière visible, mais émet des rayons X, des rayonnements que nous captons avec des satellites. Et donc, le jeu d'astrophysique moderne, c'est de retrouver et de reconstituer toute l'histoire. Oui, c'est-à-dire que cette étoile que les Chinois ont vue, eux, à l'œil nu, nous, aujourd'hui, en tout cas les scientifiques de notre époque, avec leurs instruments ultra-puissants, en captent encore quelques traces. Bien sûr, et des traces extrêmement extraordinaires, puisqu'il s'est créé à cet endroit-là une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est du gaz chaud, qui brille parce qu'il est très très chaud. Et donc, à l'endroit de cette explosion de 1054, nous avons maintenant baptisé la nébuleuse du crabe, parce qu'elle a des formes de filaments qui laissent penser à des pinces de crabe. Et nous cherchons à comprendre comment l'énergie qui vient du reste de l'étoile au centre continue à illuminer la nébuleuse. Alors, de quelle manière ces observations que les Chinois ont inscrites dans des archives, que les archéologues ont retrouvées, de quelle façon ces récits vous ont aidé à étudier cette étoile ? Eh bien, de façon fondamentale. Parce que il peut exister différents types d'explosions. Et le consignement des détails, parce que là, vous vous rendez compte que le niveau de détail nous donne l'endroit où elle est, ouais. Et nous donne comment elle était aussi brillante que Vénus, et nous donne combien de temps ça a duré. Tous ces détails sont extrêmement importants pour qualifier notamment la masse de l'étoile qui a explosé. Ouais. Donc c'est une information, et elle s'est répétée, puisque c'est un exemple unique que nous venons de citer, ouais. Mais nous avons l'autre. Un catalogue de près de 90 de ces explosions, dont un certain nombre n'ont pas encore été retrouvées. Ouais. 90 explosions observées par les Chinois ? Cataloguées comme des explosions, comme des nouvelles étoiles. Ils appelaient ces supernovas, ils n'appelaient pas des supernovas, ils appelaient des cussing, des étoiles invitées. Ouais. Pour eux, une étoile s'invitait dans le ciel. Et il y en a 90 cataloguées. On n'est pas forcément sûr que les 90 soient vraiment des supernovas, parce qu'il y a d'autres phénomènes stellaires qui peuvent ressembler, notamment les novas, qui sont des phénomènes différents. Mais c'est un catalogue que nous continuons à exploiter pour essayer de trouver leur contrepartie, de trouver la nébuleuse et l'objet qui peut rester de ces explosions. Et on a des témoignages de ce type d'astronomes européens ? Eh ben non, et c'est ça qui a été le déclenchement pour moi. C'est que, bien sûr, je connaissais toute cette histoire des supernovas, mais le premier qui a eu le courage de dire qu'il voyait une supernova, c'est Tycho Brahe, un astronome danois, qui a fait ça en 1572. Avant 1572, personne n'avait osé dire, parce que forcément que les gens ont vu quelque chose d'aussi brillant qu'une pleine lune parfois, mais on n'osait pas le dire parce que il y avait une espèce de dogme qui au départ était un dogme un peu philosophique, puis qui est devenu un dogme religieux, qui était que le ciel était créé par Dieu, donc immuable et imperturbable. Oui. Donc, finalement, les croyances de l'époque ont empêché les savants européens de décrire ce qu'ils voyaient vraiment. C'est exactement le fait qui m'a frappé, oui. Et puisque évidemment, il fallait être conscient que pendant d'autres parties du monde, des gens avaient observé des choses, et qui m'a vraiment éclairé sur la force de la conception que nous avons des choses et sur la limitation que ça introduit. Oui. Alors, quand vous avez réalisé ça, quand vous avez réalisé qu'il y avait vraiment une mine d'informations dans ces archives laissées sur plus de 4000 ans par les astronomes chinois, vous vous êtes mis à vous intéresser de près justement à ces écrits. Il n'y a pas beaucoup d'astrophysiciens en France qui le font. Alors vous êtes allé en Chine. Quand est-ce que vous êtes allé en Chine pour la première fois ? Alors je suis allé en Chine en 86 et j'y suis retourné. Alors c'était juste un voyage, je me suis retourné pour plus d'un an en 88-89. Ouais. Et là vous avez rencontré donc des astronomes qui eux vivent encore, hein, parce qu'il y a encore évidemment des astronomes en Chine. Bien sûr, et qui étaient d'une certaine façon c'était un échange, parce que en fait j'ai été pour utiliser avec eux des données satellites que nous obtenions, mais du point de vue purement de la science moderne, et ils m'ont lentement introduit, et notamment des historiens des sciences chinois, introduit à tout ce corpus de données qui concerne l'astronomie chinoise en Chine. Et parmi les astronomes chinois dont vous avez croisé la route, il y a Fang Lizi, qui était aussi un dissident, et dont on a entendu parler sur France Inter en 1989, au moment des événements de la place Tiananmen. L'envoyé spécial en Chine à l'époque était un certain Pierre Veil. Professeur d'astrophysique de renommée internationale, Fang Lizi, qui a 53 ans, a l'habitude d'être persécuté par les autorités chinoises. Fin 86, il avait été licencié de son poste de vice-recteur de l'Université des sciences de Hefei et exclu du Parti communiste. Le gouvernement lui reprochait d'avoir organisé des manifestations d'étudiants pour la démocratie. C'est un mauvais élément qui veut mettre la Chine sur la voie capitaliste, disait de lui Deng Xiaoping. Lorsque George Bush s'est rendu en Chine en février dernier, il avait invité Fang Lizi à un banquet dans un grand hôtel de Pékin. Le dissident chinois n'est jamais arrivé sur place. La police avait organisé un accident de la circulation pour bloquer sa voiture, ce qui avait provoqué un incident diplomatique entre Pékin et Washington. Fang Lizi, qui est décédé en 2012. Jean-Marc Bonnet-Bido, ça doit vous faire tout drôle d'entendre cet extrait-là, parce que précisément à ce moment-là, vous aussi, vous étiez en Chine, et juste avant qu'il ne soit arrêté, le jour même, vous l'aviez rencontré. Exactement, je l'ai rencontré le 3 juin au matin, dans son bureau à l'Observatoire de Pékin. Nous avions discuté, d'ailleurs, sur la base d'un interview que je faisais pour une revue scientifique française, justement de la philosophie des sciences chinoises, de sa différence avec la science européenne. Et le soir même, j'ai appris qu'effectivement, il avait dû se réfugier à l'ambassade des États-Unis parce qu'il était trop marqué par ses prises de position. Il avait notamment fait publier un livre qui s'appelait « Bringing down the Great Wall », c'est-à-dire « Abattons la Grande Muraille ». Son idée était un peu précurseur de libérer la Chine de ses contraintes politiques et administratives politiques. Il a fini par être exilé aux États-Unis. Il est quand même resté un an, on va dire, prisonnier dans l'ambassade des États-Unis. On a correspondu par les voies diplomatiques de façon un peu compliquée, puisqu'il n'avait pas, il n'a pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. Et puis finalement, il a été libéré, on peut dire, en juin 90. Il s'est exilé aux États-Unis où il n'avait l'interdiction de prendre aucune position politique. Ouais. Il vous a beaucoup apporté, cet astronome? Oui, bien sûr, parce que c'était un homme extrêmement charismatique. Il avait créé autour de lui un corpus de jeunes étudiants. On a publié un article ensemble. Et surtout, il dynamisait, en fait, cette espèce de milieu chinois qui était quand même assez conservateur à l'époque. Mmh. Alors, c'est la Chine, on s'en rend compte en vous entendant, est vraiment une terre d'astronomie. Comment expliquer que aussi peu de chercheurs français, parce que vous êtes un des rares spécialistes à vous y intéresser, vous l'étiez à l'époque, vous l'êtes encore aujourd'hui finalement. Pourquoi ça n'intéresse pas plus que ça les autres astrophysiciens? C'est un peu une question. Je pense que c'est très très profond. Je pense qu'il faut être vraiment conscient que nous sommes en Europe éduqués dans une culture qui ignore le reste des autres cultures. Quand nous racontons l'histoire des sciences, nous n'incluons aucune des découvertes qui sont extérieures. À la limite, nous le mettons comme un appendice. Mmh. Et je pense que ça nous limite, parce que si vous voyez cet extraordinaire corpus de connaissances, 4000 ans, c'est-à-dire 40 siècles, c'est une civilisation entière qui s'est déroulée sous nos yeux, et à la différence de l'astronomie égyptienne, qui a duré aussi 4000 ans, mais sur lequel nous avons très peu de textes, là nous avons un corpus de textes extraordinairement complet. Parce que nous avons des traces, il y a des traces qui remontent jusqu'à 4000 ans. Quelles sont les plus anciennes traces de témoignages astronomique? Alors, le plus ancien, il a été trouvé relativement récemment en 2005. C'est un observatoire ancien qui est marqué de traces au sol qui permettaient d'avoir des alignements. On pourrait dire que c'est un espèce de Stonehenge chinois. Ouais. Il est daté de moins 2003 à moins 2100. On l'a daté vraiment de façon catégorique parce qu'il y a des tombes qui ont été trouvées. Et c'était le moyen qu'avaient les gens de fixer leur calendrier. Ouais. Et donc, c'est une preuve. On en avait déjà par des textes réminiscences de cette époque, mais c'est une preuve tangible. Ouais. On a aussi retrouvé des os sur lesquels étaient inscrits des observations astronomiques. C'est extraordinaire. La première supernova dont nous ayons connaissance est gravée sur une omoplate de bovin, et elle nous inscrit que aux alentours de l'an moins 1500, a explosé une étoile près de l'étoile Antarès. Et donc, c'est extraordinaire, c'est la première mention dans l'humanité et elle remonte à moins 1500 avant notre ère. Oui, donc on est 3500 ans en arrière. Exactement. Ça veut dire que déjà, à l'époque, il y avait ce souci de regarder le ciel dans la civilisation chinoise. Jean-Marc Bonnet-Bido, vous allez nous donner un aperçu dans la suite de cette émission des immenses connaissances que les astronomes chinois ont patiemment accumulées en 4000 ans et que l'Occident redécouvre aujourd'hui. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter. Something I was doing for a reason at all. They hit me higher than Picasso, Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists. And at the masquerade ball, you trapped in the vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. Well, I thought it was radium at first. C'était G-Boy de Phoenix sur France Inter, le temps d'un bivouac. Bao Shangshe, l'astrologue impérial. Il examine les étoiles du ciel et observe les changements des mouvements des planètes, du soleil et de la lune, afin d'étudier les changements du monde terrestre et distinguer le bien du mal. Il divise les territoires des 9 régions de l'Empire selon leur relation avec les régions célestes. Tous les fiefs sont en relation avec des constellations distinctes et à partir de celles-ci, leur prospérité ou leur infortune peut être prédite. Ce texte a été écrit au 4e siècle avant notre ère. Jean-Marc Bonnet-Bideau est notre invité. Il est l'auteur de 4000 ans d'astronomie chinoise paru aux éditions Belin. On l'entend dans cet extrait, à cette époque, astronomie et astrologie sont très liés finalement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est forcément une constante même, on pourrait dire, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur la période moderne. L'homme s'interroge sur le ciel pour en fait concevoir son destin. Et donc auparavant, toutes les travaux qui ont été faits, et notamment en Chine, étaient une espèce de prédiction, une pronostication de ce qui pouvait arriver, mais à la différence de d'autres cultures, c'était une pronostication politique. Elle concernait l'empereur, c'est-à-dire la sphère politique du pays. Oui, c'est-à-dire que l'observation du ciel était censée éclairer les choix de l'empereur, les grandes décisions à prendre. Mais à un point, on l'imagine mal, parce que si vous voulez, le sort de l'empereur dépendait de sa capacité à prévoir les phénomènes cosmiques. C'est unique à l'échelle de la planète. Il recevait au début de son mandat ce qu'on appelle le mandat du ciel, Tianming, et il se mettait fort de diriger le pays, de pouvoir garder en harmonie le ciel et la terre. C'était ça l'essentiel. Et garder en harmonie, ça veut dire prédire ce qui allait se passer. Ouais. Vous êtes astrophysicien au CEA, passionné pour l'histoire de l'astronomie chinoise, et c'est ainsi que vous avez pu étudier la plus ancienne carte connue, la plus ancienne carte d'étoiles connue à ce jour. Où est-ce qu'on l'a retrouvée, cette ancienne carte chinoise, évidemment? On l'a retrouvée par des circonstances abracadabrantesques dans un monastère du désert de Gobi, on pourrait dire. En fait, très précisément à Dunhuang, qui est une oasis qui est à la sortie de la Chine. C'est-à-dire toutes les caravanes qui empruntaient la route de la soie passaient par cette oasis de Dunhuang parce qu'elle était à la sortie d'un désert terrible qu'on appelle le désert Taklamakan. Et donc, c'était une confluence où ont été déposés petit à petit des tas de textes qui venaient d'horizons divers. Et dans cette carte a été trouvée avec 40 000 autres manuscrits, dans une cache secrète qui a été murée en l'an 1000 dans un monastère bouddhique qui avait été créé en l'an 700. C'est Indiana Jones, cette histoire, c'est totalement phénoménal. Ouais. C'est-à-dire, imaginez-vous, on trouve une bibliothèque, c'est comme si en Europe, on avait trouvé dans une vieille église datant de Charlemagne des documents qui remontaient jusqu'au grec ancien, si vous voulez. 40 000 documents, extrêmement bien conservés, parce que ce désert est tellement aride que le papier, alors là on a le bénéfice du fait que le papier a été inventé en Chine, tous les documents étaient en papier, le papier s'est extrêmement bien conservé et c'est une mine qui continue évidemment à être étudiée par beaucoup de sinologues. Donc elle date de quand cette carte? Alors on a eu beaucoup de mal à la dater parce que c'était un document qui n'avait pas le début, on n'avait pas l'auteur. Ouais. D'abord c'est une carte somptueuse en tant que document vraiment authentique. On l'a datée environ de l'an 650, donc c'est une date du 7e siècle. Et paradoxalement, alors qu'on sait que peut-être dans d'autres civilisations, y compris chinoises, il a existé d'autres cartes, c'est la seule que nous ayons gardée aussi ancienne. Donc c'est la première sur laquelle nous tombons quand nous voulons regarder le ciel sur une carte. Alors quand vous dites elle est somptueuse, c'est quoi une carte d'étoiles somptueuse? C'est-à-dire il faut imaginer que c'est fait à la main. Donc tous les caractères, tous les noms d'étoiles sont inscrits à la main, avec plusieurs couleurs parce que c'était la réunion de trois catalogues, et avec un ordonnancement qui est extraordinaire, c'est-à-dire un ordonnancement qui est similaire à la façon dont nous faisons les cartes modernes, avec une partie rectangulaire qui est le long de l'équateur et une partie circulaire qui représente les pôles. Et le document, quand vous imaginez que vous êtes en face, que c'est vraiment l'authenticité du document qui vous frappe, parce que moi je l'ai bien sûr bien étudié, mais après je l'ai numérisé pour l'étudier plus en détail, mais vous vous imaginez à la place de la personne qui l'a faite, finalement. Et donc, vous vous imaginez, c'est tellement loin, il n'y a pas d'électricité, il n'y avait rien. Et là, vous avez quelqu'un qui a, sans doute à l'aide d'un modèle, puisqu'on pense que c'est été reproduit comme ça, a dessiné soigneusement, avec extrêmement peu de ratures, tout un document qui comporte quand même 237 constellations. Ces constellations sont totalement différentes en Chine, et plus de 1300 étoiles. Ouais. Donc, elle date du 7e siècle, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il existe des documents équivalents, similaires, en Occident, en Europe? Est-ce que ça ne nous est pas arrivé ou est-ce qu'on n'avait pas tout simplement ces connaissances à ce moment-là? Non, très honnêtement, je pense que des cartes ont dû être faites aussi en Europe. On pense qu'il en a existé du temps des anciens Grecs. On ne sait pas comment elles étaient faites, etc. Mais elles n'ont pas été conservées. Le premier document de type carte que nous avions en Europe date de 1440. C'est un document anonyme qui est gardé au musée de Vienne et qui ressemble un petit peu à une carte. Parce qu'il faut faire une carte totale du ciel. Mmh. Les Arabes ont fait des cartes, mais par morceaux. Et donc, l'idée, c'était de refaire l'ensemble du ciel. Ouais. Alors, ils se sont aussi intéressés aux comètes. Et là aussi, très rapidement, très tôt dans leur histoire, les Chinois se sont intéressés aux comètes. Là encore, c'est une découverte majeure qui a été faite dans un tombeau raconté. Ah, extraordinaire aussi, parce que si vous voulez, on tombe régulièrement comme ça en Chine sur des tombeaux qui sont somptueux. Ce tombeau a été trouvé dans le centre de la Chine, près de la ville natale de Mao Tse-tung, à Changsha, et il y avait trois tombeaux. Et on a trouvé des documents qui expliquaient comment ça avait été fait. Et il s'est trouvé que c'était un marquis, le marquis de Dai, qui a enterré sa femme et son fils, et puis après lui, et qui avait effectivement pour sa femme une volonté de la rendre immortelle. Et on a retrouvé la dépouille de cette femme, c'est-à-dire, on pourrait dire une momie, mais non pas desséchée, une momie qui est baignée dans un liquide rouge un peu mystérieux dont on a perdu, dès qu'on a ouvert, ça s'est échappé, et qui a gardé cette femme dans un état de conservation absolument extraordinaire, avec ses cheveux, avec le mouvement souple de ses mains. Et en fait, dans ce tombeau, ça n'était pas de l'or, de l'argent qui était entassé. C'était des livres. C'était des livres et des livres anciens, bien plus anciens que la tombe. Et dans ce corpus de données, il y avait cette fois-ci un livre qui n'était pas écrit sur papier, mais sur soie, ce qu'on a appelé depuis le livre de soie, et qui comporte des données astronomiques extraordinaires. Ouais. Donc la richesse la plus ultime, celle avec laquelle on passait dans l'au-delà, c'était pas l'or, c'était les connaissances. Exactement. C'était le savoir. Exactement. C'était les objets manufacturés quelquefois, mais c'est surtout les textes. On a retrouvé là, je pense, le texte le plus ancien d'un philosophe chinois qui est très connu, qui est le Lao Tzu, le fameux Tao Te Ching, la voie et la vertu. On a retrouvé des manuels de Qigong, la gymnastique chinoise, qui sont des originaux les plus anciens que nous ayons de ces textes. Alors, ce livre de soie, qui a l'air là encore somptueux, quelle représentation des comètes fait-il ? Alors, il décrit, mais de façon picturale. Donc, il dessine toutes les comètes. Il dessine 29 types de comètes. Alors, au départ, on est un peu surpris, on a l'impression que c'est des dessins un peu stylisés. Certes, ils sont stylisés, mais quand on les croise avec notre connaissance moderne des comètes, on y distingue toutes les différences qu'on voit dans les comètes. Des comètes ont parfois une queue, deux queues, trois queues, parfois un noyau plus ou moins gros, et tout ça est marqué de façon stylisée dans ce catalogue. Oui. Et alors là, on est absolument fasciné, parce qu'on se dit, ce document date de 4 siècles avant notre ère, et il a déjà un catalogue présentant 29 comètes. Or, une comète, ça passe pas dans le ciel tous les 4 matins. Donc, pour accumuler tous ces profils de comètes, les observations ont dû commencer bien avant 4 siècles avant notre ère. C'est exactement ce qui est stupéfiant dans ce document. Si on réalise, on peut faire un calcul, c'est pas toujours très précis, mais c'est 1 ou 2 comètes par dizaine d'années. Donc, moi, j'ai calculé qu'il aura fallu au moins, pour en avoir 29 de ce type-là, au moins en avoir 100. Donc, vous voyez, entre 500, au moins 1000 ans peut-être d'observation. Mmh. Et donc, ça nous dit, parce que c'est des textes de la dynastie des Zhou, que pratiquement, ça a couvert toute la dynastie des Zhou qui a commencé vers les ans moins 1200. Alors, il les observait, mais qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il comprenait de ces phénomènes célestes fugaces que sont les comètes qui passent dans le ciel avec une certaine régularité, on le sait. Alors là, c'est peut-être la particularité et la limite de la science chinoise. C'est que, autant ils sont des bons descripteurs, autant ils ne s'interrogent pas sur la nature profonde de la chose. Et ça, c'est vrai pour les comètes. Ils s'attachaient, parce que pour eux, un phénomène cosmique, quel qu'il soit, alors, on n'a peut-être pas parlé de cet effet miroir, parce que cette pronostication dont nous avons parlé venait du fait qu'il y avait un miroir exact entre le ciel et la Terre. C'est-à-dire, dans le ciel, il y avait aussi le dessin des régions de l'Empire. Et si un phénomène cosmique arrivait dans une région de l'Empire, c'est que quelque chose se passait de bien ou de mal sur Terre. Et donc, toutes ces comètes étaient bien sûr surveillées pour savoir comment elles se déplaçaient. Vous savez qu'une comète se déplace dans le ciel. Donc, c'était très intéressant pour les Chinois. Pour voir où elle arrivait, pour savoir ce qui allait se passer. Alors, c'était bon ou mauvais présage, une comète qui arrive? Alors, c'était politique, l'interprétation. Oui. Parce qu'il fallait effectivement que l'astrologue en chef donne son avis. Et parfois, effectivement, c'est l'avis. Autant l'observation scientifique est exact, autant finalement le pronostic en effet est un peu parfois bizarre. Avait-il repéré une partie des planètes de notre système solaire ? Eh bien exactement, et on faisait référence à ce livre de soie, il comporte un document qui est extrêmement précieux, où on trouve de moins 245 à moins 175 les positions de toutes les planètes, les 5 planètes les plus brillantes, qui nous a permis de déterminer qu'il savait connaissance du cycle des planètes. Ouais. Et donc c'est aussi de moins 400 à moins 300 cette connaissance. Et ils avaient aussi observé les taches solaires. Bien sûr, alors ça c'est aussi parce que cette surveillance constante qu'ils avaient du ciel, bien sûr le soleil était surveillé, on pense d'ailleurs que cette observation vient du fait qu'ils surveillaient la survenue des éclipses. Et l'éclipse, évidemment, il faut regarder notamment au début du mois où la Lune risque de masquer le Soleil. Et ils ont effectivement représenté et décrit sous forme de prunes, sous forme de taches, sous forme de corbeaux dans le Soleil, toutes ces représentations assez poétiques, mais qui nous ont montré, parce qu'on a des enregistrements sur des durées assez longues, et ça a permis à des scientifiques modernes de démontrer que ces taches ont existé depuis au moins 2000 ans, et de démontrer que le cycle solaire, vous savez, il y a un certain cycle qui est de l'ordre de 11 ans, n'était pas toujours constant. Donc vous voyez, avec Galilée seulement, on n'a pas encore, on n'a pas assez de recul. Et c'est grâce aux Chinois qu'on a vu que ce cycle existait depuis très très longtemps. Ah oui, ça permet de s'inscrire vraiment dans le temps. Exactement, sinon on n'aurait pas pu dire. Galilée les a vus, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels instruments ils avaient pour faire toutes ces observations ? Alors, au départ, c'était des instruments assez simples, des cercles gradués qu'ils utilisaient. Pour le soleil, en fait, ils utilisaient des baquets remplis d'eau dans lesquels ils mettaient de l'encre de Chine chinoise. Mmh. Et ça marche très très bien. Vous n'avez pas à exposer vos yeux, évidemment, aux lumières du soleil, c'est par réflexion. Et vous voyez très très bien la Lune, effectivement, couvrir une partie du soleil. Mmh. Allez, nous allons nous intéresser d'un peu plus près aux représentations de l'univers de ces astronomes chinois. Nous allons voir que leur façon de concevoir les sciences était très différente de la nôtre. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac cosmique avec l'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bideau. C'est un acroponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. À quoi bon? Un aquaponiste, un modeste guitariste qui n'est jamais dans le ton. À quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon? Un aquaponiste. Un peu trop idéaliste qui répète sous tous les tons. À quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon? Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste qui dit à tort à raison. À quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon? Un aquaponiste, qui se fout de tout et persiste, à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon? C'est un aquaponiste. Un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon. À quoi bon? Un aquaponiste qui me dit le regard triste. Toi, je t'aime, les autres se sont tous des cons. L'aquaponiste de Jane Birkin sur France Inter. Pour le peuple de la Chine ancienne, le temps avait un sens particulier. Les Chinois voulaient faire les choses au rythme du temps. Ils pensaient que le temps correspondait au mouvement des planètes et au rythme de la nature. L'empereur, pour asseoir sa légitimité, s'autoproclamait le fils du ciel. Il représentait le peuple devant le ciel et le ciel devant le peuple. Il était donc l'intermédiaire entre le peuple et le ciel. Extrait d'un documentaire intitulé « Chine, empire du temps », à la conception duquel vous avez participé, Jean-Marc Bonnet-Bideau. Vous êtes aussi l'auteur de « 4000 ans d'astronomie chinoise » aux éditions Belin. On l'entendait dans cet extrait, le temps était très important, le temps qui passe, mesurer le temps, c'est très important pour les Chinois. Oui, on pourrait dire, mais c'est une sorte d'obsession, oui. En fait, finalement. C'est vrai que c'est lié au fait, nous citions tout à l'heure, le fait de maîtriser les rythmes cosmiques. Ils faisaient des calendriers, mais dans ce calendrier, il y avait la prédiction des éclipses, c'est pas seulement le mouvement du soleil comme ça pour les saisons. Mmh. Bien sûr, au départ, c'était pour rythmer, une société agricole a toujours besoin de ces grands rythmes, mais ils ont été extrêmement précis pour déterminer notamment la durée de l'année. Ils arrivent à une précision de 26 secondes sur la durée de l'année au moment de la dynastie des Mongols. Mais aussi, ils voulaient sans cesse réviser leurs données. Donc ils ont produit sur à peu près 2000 ans 48 calendriers qui ont été vraiment produits et publiés, et plutôt sans modèle. Alors que dans le même temps, l'Europe, si vous vous rappelez bien, entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, il se passe plus de 1500 ans. Ouais. Et on a laissé dériver notre calendrier de 10 jours. Quoi. Et donc cette obsession du temps vient sans doute de cette volonté de maîtriser les rythmes naturels et d'être en osmose avec la nature. Et il faisait un lien très fort entre l'espace et le temps. Bien avant Einstein, finalement, ils avaient compris qu'on ne pouvait pas dissocier l'espace et le temps. Oui, ça c'était un étonnement pour moi, parce que au départ je n'avais pas connaissance de tous ces textes. Là, je suis tombé sur des textes, effectivement, qui datent de nouveau de la période des Han, en fait, du 1er siècle avant notre ère, où il est exposé ce terme espace-temps, qui d'ailleurs détermine la cosmologie, enfin l'univers. En chinois, c'est Yuzhuo. Et ce terme est présent parce que pour eux, effectivement, tout allait de pair. Et nous avons effectivement un peu séparé artificiellement le temps pour le réintroduire avec Einstein. Alors, ils avaient plusieurs théories pour représenter l'univers, pour concevoir cet univers. Donnez-nous-en un aperçu. Écoutez, c'est très étonnant parce qu'elles ont coexisté à la différence de l'Europe. Et elles étaient, d'une certaine façon, contradictoires. La première, qui a été datée de la plus ancienne, c'était la théorie de la Terre plate, gaïtienne, sur laquelle il y avait un dôme. Donc, c'est une Terre plate couverte d'un dôme, comme un bol renversé sur un plat. Et d'ailleurs, on donne toujours l'exemple de la tortue qui est vénérée en Chine, parce que la tortue, par excellence, est sa représentation cosmique. Elle a un fond plat et un dos rond. Et puis ensuite, dans la même époque, sous les Han, toujours cette période un peu importante pour la formation de la culture chinoise, eh bien, il y avait la théorie de ce qu'on appelle la sphère céleste. Et cette fois-ci, alors il y a un grand débat, parce que c'est décrit comme la Terre est le jaune de l'œuf et le ciel est le reste de l'œuf. Donc en fait, il y a une notion de sphère sphérique. Et oui. Alors il y a un gros débat, parce que bon, alors voilà, on n'est pas tout à fait sûr que c'était vraiment conçu comme ça. Et puis il y a une troisième théorie qui est encore plus étonnante, malheureusement, c'est la moins développée en termes de texte, qui était la théorie du vide infini. Et là, alors les gens vous écrivaient que tous les corps qu'on observait dans le ciel étaient de la vapeur condensée et qu'elle baignait dans un vide absolu. C'est absolument, moi, un peu troublant, parce que c'est une intuition, d'une certaine façon, de découverte que nous faisons aujourd'hui et que nous avons intégré maintenant, que une planète, une étoile, c'est au départ un gaz qui s'est condensé. Ce qui est aussi troublant pour nous, pour nos conceptions occidentales, c'est que ces trois représentations du monde, assez incompatibles, en tout cas pour nos regards d'occidentaux, encore une fois, eux, ça ne les dérangeait pas de les faire cohabiter. Il peut y avoir plusieurs réalités pour décrire un même monde. C'est la force de la pensée chinoise, et je pense que c'est une force qui va peut-être se révéler utile, même dans la conception moderne des choses. Si on veut bien le voir, on utilise des notions selon le point de vue dans lequel on se place. On peut donner toujours l'exemple de la Terre ronde et la Terre plate. Si vous construisez une maison, la Terre est plate pour vous. Maintenant, si vous envoyez un satellite, il faut qu'on prenne en compte qu'elle est ronde. Et donc, selon vos applications, vous allez simplifier le problème et prendre un cas ou l'autre. Mais les deux, d'une certaine façon, d'ailleurs Poincaré le disait aussi, finalement, il disait effectivement, ce n'est pas plus juste de dire que la Terre tourne autour du Soleil que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est simplement plus commode. Alors il est aussi intéressant de voir la place que les Chinois donnaient à la nature, c'est notamment l'esprit du taoïsme. Je vous propose à ce sujet d'écouter Joseph Needham, sinologue britannique. Ses travaux sur l'histoire des sciences chinoises lui ont valu une renommée mondiale. D'après moi, le confucianisme et le taoïsme sont l'arrière-fond de la mentalité chinoise. Exactement comme chez nous, c'est le christianisme. Et le Tao, on peut dire order of nature, l'ordre de la nature, mais en effet une sorte de Dieu immanent, pas du tout transcendant, mais immanent dans la nature. C'était une sorte de mysticisme de la nature. Il est intéressant ce rapport au monde, ce lien à la nature. Là encore, si on le compare à la même époque sur le territoire européen, où finalement ce que beaucoup mettent par-dessus tout, c'est Dieu, et il faut que les théories ne viennent pas trop contredire ce que la religion nous donne. Là, c'est la nature qui guide les choix et ce que l'on pense et ce que l'on connaît du monde. Exactement, et la vertu de la pensée humaine, c'est d'intégrer l'homme dans cette nature. Et le taoïsme, c'est vrai que c'est très très troublant, a toujours eu cette... C'est pour ça qu'ils sont devenus des scientifiques. scientifiques d'une certaine façon, parce qu'ils ont exploré, ils ont découvert la nature et essayé de reproduire d'ailleurs la découverte du magnétisme de la boussole, c'est ça. Hein. Ils ont regardé, observé et tout d'un coup se sont appropriés un phénomène naturel. Et cette immersion, c'est totalement le complémentaire de notre vision des choses. C'est pour ça que je pense que si vous voulez, on peut planter son bivouac dans d'autres cultures. Et là, on a effectivement toute cette exploration qui vous vient, toutes ces idées nouvelles que vous n'avez jamais eues auparavant. Mmh. Et ce voyage, c'est ce voyage-là qu'il faut faire dans d'autres cultures à l'heure actuelle. Planter son bivouac dans d'autres cultures, comme l'expression me plaît. Le respect de la nature, les considérations écologistes sont au cœur de bon nombre de films de science-fiction qui ont pour thème l'exploration spatiale. Cela n'a pas empêché notre chroniqueur cinéphile Jérémy de regarder le ciel depuis les salles obscures. Non, ça va pas du tout, coupez! Arrête ton cinéma. Il y avait des plaines et plein de jolis coins tranquilles et isolés. Et en ce temps-là, les fleurs ne poussaient pas uniquement sur ces horribles dômes mis sur orbite à des millions de kilomètres dans l'espace. On sait que la plupart du temps, les œuvres d'anticipation interrogent surtout le présent et les films de science-fiction vont chercher parfois à l'autre bout de la galaxie des réponses à des questions bien terrestres. Il était donc normal que les problèmes écologiques s'exportent aussi au-delà de notre atmosphère. Sur la Terre, nous avons détruit toutes les forêts de ce qui était autrefois notre belle nation. Le film spatial le plus ouvertement écolo reste sûrement Silent Running, sorti en 1972. Le film débute avec des plans d'escargots, de fleurs, de lapins et d'un homme aux cheveux longs se baignant tout nu dans un petit coin de nature. Mais ne nous trompons pas, cet Éden n'est pas la Terre, mais une sorte d'arche de Noé végétale et spatiale. À cause d'une Terre trop polluée, les hommes n'ont plus préservé les espèces végétales que dans des grandes serres à bord des vaisseaux. Que Dieu bénisse ces jardins et ces hommes courageux qui, dans les ténèbres du cosmos, veillent sur les derniers vestiges du monde végétal. Et à l'exception de Silent Running, les films spatiaux des années 70 sont plutôt conquérants et imaginent la colonisation de l'espace comme une chance. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les débris spatiaux provoquent un terrible accident dans Gravity. Les hommes ne quittent la Terre que contraints, forcés et le cœur lourd, comme dans Interstellar. Et dans la guerre contre les extraterrestres, les hommes tiennent souvent le mauvais rôle, comme dans Avatar. On a construit plusieurs écoles, on leur a appris notre langue, mais après des années passées sur le terrain, nos relations avec eux n'ont jamais été aussi mauvaises. Oui, quand on utilise des mitrailleuses contre eux, c'est tout à fait normal. Ouais, venez voir. Avatar, c'est clairement un western. Pendant longtemps, au cinéma, les cow-boys tirent à vue sur les Indiens pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et puis, heureusement, les Indiens ont commencé à avoir une autre place dans les histoires et dans l'histoire américaine. Comme un ultime repenti, le dernier western d'ailleurs de John Ford s'appelle Les Cheyennes. Et il prend enfin le point de vue des Indiens. Et Avatar, eh bien, c'est la même histoire. Les méchants militaires capitalistes pollueurs contre les bons sauvages. Ok. Écoutez. Le fait de tuer des indigènes est mal vu. Mais il y a une chose que les actionnaires craignent plus qu'une mauvaise campagne de presse. C'est un bilan financier en déficit. C'est pas moi qui fixe les règles. Dans la science-fiction, les peuples moins évolués technologiquement sont souvent les plus gentils. Rappelez-vous des Ewoks de Star Wars, ces petits nounours trop mignons qui combattent au lance-pierre les méchants soldats de l'Empire. Mais chez George Lucas, c'est plutôt le combat des enfants contre les adultes qu'il faut y voir. Alors que chez James Cameron, le combat devient plus politique. Les extraterrestres vivant simplement et en harmonie avec la nature contre les humains avides des consommateurs. On retrouve exactement cette même vision d'ailleurs dans le Valérian de Luc Besson. Venga, etano matakayoe, luyuset. Si ce n'est pas le dernier ni le premier à prendre le parti des Indiens, Avatar est le film spatial qui marque le plus ce parti pris. Mais c'est aussi un paradoxe. Avatar a été présenté comme un film à la pointe de la technologie informatique et cinématographique, promouvant une 3D nouvelle génération pleine d'espoir visuel et économique. Dans son mode de production, on est loin donc de l'artisanat du cinéma et des Indiens de l'espace. Eh ben ça alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas fumé que la moquette là-haut. Hein. Tout ça pour quelques arbres à la con. Merci Jérémy Querenet, à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy sur le site du CNES, l'agence spatiale française, cnes.fr. Jean-Marc Bonnet-Bidot, observer les étoiles et se projeter comme ça dans des mondes lointains, ça peut conduire à s'interroger sur notre rapport au monde et puis aussi aux autres civilisations. Oui, forcément, parce que justement, comme nous sommes éduqués dans un carcan un tout petit peu étroit en nous présentant uniquement une culture, quand nous découvrons les autres points de vue, ça fait se poser énormément de questions. J'avoue que, par exemple, on vient de discuter de la façon dont des théories pourraient coexister. Ça a quand même un petit peu changé mon point de vue, justement, oui, de scientifique. Parce que je me suis dit, justement, on insiste tellement, prenez l'exemple de la cosmologie moderne sur lequel on nous présente uniquement une idée, qui est celle du Big Bang, sans jamais discuter autre chose possible. Ça, je pense que c'est une erreur fondamentale qui n'est pas présente dans une pensée plus globale, comme nous le trouvons en Chine. Quel regard portent vos collègues astrophysiciens et astronomes sur cette passion que vous avez, parce que c'est vraiment devenu une passion pour l'astronomie chinoise? Je pense effectivement que c'est devenu une passion un peu addictive d'ailleurs, mais en même temps il y a tellement de choses. Je pense que, alors c'est en train de changer, je pense que c'est le climat général est en train de changer, je pense. L'Europe commence à réaliser qu'elle n'est plus le centre du monde, et donc commence à s'intéresser. Et mes collègues qui auparavant ont traité peut-être ça de façon anecdotique, la plupart du temps sont intéressés car ils trouvent des informations qu'ils n'avaient pas disponibles. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux causes du déclin de l'astronomie chinoise et puis à son renouveau aussi. Le temps d'un bivouac cosmique sur France Inter avec l'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bideau. Y a pas photo, y a pas photo. Dark, ok, je rêve en kimono. Dark. Maximum phare, météore chaud. Zéro. Un vrac scooter, cyclomoto. Ok, je rêve en kimono. Dark. Mega Disney, sommeil zéro. Dark. Ok, je rêve en kimono. Dark. En vrac scooter, cyclomoto. C'était Kimono, Rodolphe Burger sur France Inter, Rodolphe Burger sur France Inter, le temps d'un bivouac. Seigneur, j'implore votre miséricorde et accorde-nous une bonne saison et protège notre peuple et notre dynastie. Study of the stars brings us closer to God. Observer les étoiles nous rapproche de Dieu. This is what the emperor calls the mandate of heaven. C'est ce que l'empereur appelle le mandat du ciel. Ça, c'est ce que les Chinois appellent le destin. Rencontre entre l'empereur et les jésuites venus d'Europe. On a fait un bond dans le temps, Jean-Marc Bonnet-Bidot. On est maintenant au XVIIe siècle, lorsque les jésuites arrivent en Chine avec leurs connaissances à eux astronomiques, parce que évidemment en Europe aussi, on a commencé à regarder le ciel et à comprendre quelques mécanismes célestes. Comment se passe la rencontre entre ces jésuites et les savants chinois? Alors, de façon très paradoxale, les jésuites vont avoir accès à la cour parce qu'ils sont détenteurs d'un savoir qui intéresse les Chinois, parce qu'ils ont effectivement une manière de faire le calendrier différent, etc. Mais en contrepartie, et c'est ça le gros désespoir que nous pourrions avoir, il y aura un malentendu complet au niveau des échanges culturels. C'est-à-dire que les jésuites sont quand même des gens qui sont venus pour christianiser la Chine. La science n'est que secondaire dans leurs objectifs. Et du coup, ils vont très mal comprendre qu'ils sont en face d'une civilisation astronomique, de gens qui connaissent vraiment l'astronomie. Ils vont essayer à toute force d'appliquer leur méthode seulement. Alors, ils vont s'affronter, effectivement, dans des joutes vraiment qui sont restées célèbres, oui, au sujet de la prédiction des éclipses, des choses comme ça. Ah oui, alors ça, il faut prendre le temps d'en parler, parce que c'est vrai que c'est assez savoureux. Au XVIIe siècle, une sorte de... Alors, il s'agit de prédire quand, où va se produire l'éclipse, et chacun avec ses connaissances, ses savoirs, essaye d'être le plus précis possible. Alors, qui gagne à ce jeu-là? Eh bien, il y a un peu match nul au début. Et c'est à la grande surprise des jésuites qui croient arriver avec les connaissances, évidemment. Ils ont les connaissances, ils ont la loi de Kepler, ils ont... voilà. Et en fait, les Chinois, avec leur méthode beaucoup plus pragmatique, arrivent à prédire aussi les éclipses. Ils prédisent... Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, il faut calculer la position exacte du Soleil et de la Lune. Et la Lune est très, très irrégulière dans ses mouvements. De façon à dire, voilà, ça arrive à tel moment, à telle heure, et aussi ça couvre telle fraction du soleil, parce que c'est pas toujours des éclipses totales, c'est des éclipses partielles. Et là, ils vont s'affronter. Une fois, ça sera les Chinois qui auront raison, une fois, ça sera les Jésuites. Mais néanmoins, l'empereur, qui n'est pas le dernier des sots, en fait, va réaliser qu'il y a quand même quelque chose à utiliser, et il mettra en compétition les Jésuites avec le bureau chinois, et même d'ailleurs le bureau dit islamique, qui datait de la dynastie des Mongols. Donc il y aura trois bureaux astronomiques au service de l'empereur qui délivreront leurs messages et leurs pronostics. Finalement, l'empereur est plus ouvert que les Occidentaux, c'est-à-dire qu'il reconnaît un certain savoir aux savants venus d'ailleurs, et plutôt que de les rejeter, il se dit c'est bon à prendre, donc il augmente bien évidemment d'ailleurs ses savoirs. Un des jésuites qui s'appelle Adam Schall a été le précepteur du jeune empereur et qui était extrêmement curieux de ses idées nouvelles. En revanche, les jésuites, à ma grande surprise, quand j'ai lu tous leurs textes, ne considéraient pas du tout d'un bon œil tout ce, et d'ailleurs ils ont ignoré les supernovas dont je nous parlions, ce ne sont pas les jésuites qui sont aperçus qu'elles étaient là, ouais. C'est beaucoup d'années après. Quoi. Oui. Alors pourquoi finalement l'astronomie chinoise a fini par décliner? Parce que, alors on va en parler dans un instant, maintenant il y a un peu un renouveau, mais quand même, lors des derniers siècles, elle perd de la superbe cette astronomie chinoise. Exactement. Alors c'est ce qu'on appelle d'ailleurs souvent le paradoxe de Needham, puisque Needham a le premier soulevé le lièvre en disant mais comment ça se fait que la science moderne n'est pas née en Chine? Ouais. Vu toutes les découvertes qui ont été faites en Chine, on a découvert effectivement les comètes, les taches solaires, etc., mais aussi le piston, la manivelle, la boussole, l'étrier, la poudre, le papier, tout ça, voilà, le papier, l'imprimerie. Et donc, en fait, il faut s'attacher à la politique cette fois-ci, je pense. Et notamment cette charnière que nous avons lorsque les jésuites arrivent en Chine, il se crée un hiatus assez important. En 1644, la dynastie des Ming s'arrête, c'est une dynastie de tradition chinoise, elle est remplacée par une dynastie étrangère qui sont les Mandchous, qui ne parlent pas la même langue, qui n'écrivent pas la même langue, et ceux-là vont effectivement se désintéresser de la poursuite de la culture chinoise. Mmh. Et ensuite, on débarquera dans le 19e siècle avec l'intervention des puissances étrangères qui ont effectivement ravagé la Chine à travers les guerres de l'opium. Et la Chine n'en sortira pas que après 1945. Mais la Chine n'a pas dit son dernier mot. Les Chinois viennent d'inaugurer, par exemple, un télescope gigantesque. S'il existait une présence extraterrestre, voici l'appareil qui pourrait la déceler. C'est en tout cas ce que clament les Chinois qui viennent de mettre en service ce radiotélescope. FAST, c'est son nom, c'est le plus grand au monde. Un ouvrage colossal d'une ouverture sphérique de 500 mètres de diamètre, une surface équivalente à 30 terrains de football. Plus c'est grand, mieux c'est. En radioastronomie, les signaux sont si faibles qu'il faut de très grands télescopes pour les recevoir. Ce radiotélescope géant pourra étudier les étoiles, les origines de l'univers et même des signes de vie d'ailleurs, en envoyant un signal afin de capter les ondes radioélectriques émises par des astres à des années-lumière de la Terre. Le télescope FAST, c'est vraiment le plus grand du monde dans ce domaine-là, Jean-Marc Bonnet. Absolument, absolument. Il a multiplié par 3 la capacité antérieure qui était le télescope d'Arecibo aux États-Unis, enfin à Porto Rico. Et donc c'est un instrument gigantesque. Il a été d'ailleurs, il a dû être parce que c'est une sphère, une demi-sphère qui est posée sur le sol. Il a dû être effectivement installé dans une dépression naturelle parce que l'instrument était tellement grand, on pouvait pas creuser autant. Il va falloir compter avec l'apport de la Chine dans les années à venir en matière d'astronomie. Ah ben, je crois que c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. On le voit sans doute d'autant mieux avec le spatial où effectivement ils envoient maintenant quantité de satellites. Ils ont déposé quand même, enfin il faudrait quand même le dire, un télescope sur la Lune. C'est les premiers à avoir posé un télescope sur la Lune en 2013 lorsque le petit lapin de Jade là est posé, le petit rover. Il y avait une base. Ils ont catalogué des étoiles dans l'ultraviolet à partir de la Lune. Ils sont très pragmatiques. Ils vont à leur rythme, mais ils y vont. Ouais. Ils ont d'ailleurs l'intention d'aller jusqu'au vol habité sur la Lune. Bien sûr, ça ne c'est plus un secret. C'est plus un secret. La date, ça sera à partir de 2030, on ne sait pas exactement, mais ils le feront. Ils le feront. Les Chinois, dans leur programme spatial, c'est réglé comme du papier à musique. C'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Marc Bonnet-Bideau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 4000 ans d'astronomie chinoise, Les officiers célestes. Il est publié aux éditions Belin. Et nous allons mettre sur la page Facebook du Temps d'un bivouac la photo de ces premières cartes du ciel chinoises dont nous avons parlé, qui datent du 7e siècle. Allez, dans un instant, nous allons prendre la mer avec la photographe Anne-Lise Le Pellec et la pianiste-chanteuse Marie Cuismans-Bertou. Depuis plusieurs années, elles ont mis à flot un projet joliment baptisé Pianocéan. Elles voguent de port en port avec à bord un piano et à chaque escale, elles transforment le pont de leur bateau en scène de concert. À tout de suite pour un bivouac maritime et musical.